Continent Science, Stéphane Delisgeorges. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de tous les rendez-vous scientifiques de la série Science sur France Culture, tous les jours à 14h, toujours bien sûr en direct de la maison de la radio, du studio numéro 1, très exactement. Bonjour à toutes et bonjour à tous. À notre sommaire aujourd'hui, eh bien, nous allons nous éloigner des horreurs du monde du monde sublunaire. Nous allons aller très loin ou apporter avec ces artefacts l'intelligence de l'homme. Nous allons fêter un anniversaire. Nous allons fêter l'anniversaire des 1 an de Rosetta qui a approché puis s'est posé par l'intermédiaire de Philae sur cette comète Chury, pour dire vite. Et donc, à quelques jours près, c'est cet anniversaire. Et pour fêter cet anniversaire, nous sommes avec Francis Rocard. Il est astrophysicien, bien sûr. C'est un spécialiste du système solaire et plus particulièrement un amoureux de Mars, si je peux dire. Il est responsable des programmes d'exploration du système solaire au CNES. Il est aussi responsable du programme Rosetta, cette fois pour la France, bien sûr. Et nous allons essayer de regarder la récolte de résultats et de la nature de cet objet tout sombre, si loin, et qui file et file à 66 000 km à l'heure. Mais tout de suite, bien sûr, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens un annélide. Un annélide, donc un ver, un annélide polyquette, c'est-à-dire doté de soie. Eh oui, polyquette. Nous avons découvert un tout nouveau et vaste groupe d'animaux extraordinaires, citation donc, dont nous ignorons totalement l'existence. Ils ne sont pas rares. Quand on les aperçoit, c'est souvent par centaines, mais leur habitat les rend très difficiles à collecter, explique Karen Osborne, qui est de l'Institut d'Océanographie de San Diego. Parmi ces annélides, jusqu'ici inconnus, l'un d'entre eux a été baptisé Suima bombiviridis, soit, très étrangement, le nageur bombardier vert, par ses découvreurs américains. Nageur bombardier vert. Nous allons voir pourquoi, bien sûr. Les stratagèmes pour échapper à un prédateur sont innombrables dans la nature. Courir plus vite, se camoufler, être doté d'une tache noire, par exemple, qui imite l'œil d'un plus gros animal. Il en existe un autre, un stratagème, et pour le moins étonnant, le lâcher de ballons luminescents. Ce ver, donc, Suima bombivirilis, dont 7 espèces ont été identifiées, a adopté un mode de défense tout à fait insolite. Il ondule dans les profondeurs du Pacifique, entre 1800 et 3800 mètres de fond, et cela en utilisant des éventails de longues soies en guise de nageoires. Et il peut larguer des sortes d'explosifs, de bombes bioluminescentes au nez de ses prédateurs avant de s'enfuir. Ce ver est aveugle, il est long de 1 cm 8 à 9 cm, Il fait pousser 4 paires de petits ballons de 0,7 à 1 mm de diamètre près de sa tête. Ce sont de petites excroissances ellipsoïdales. En cas de besoin, ces structures remplies d'hémolymphes, l'équivalent du sang donc chez les arthropodes, les animaux qui n'ont pas de colonne vertébrale, donc ces petites structures simples sont larguées par un animal et luisent intensément pendant plusieurs secondes pour dérouter l'adversaire, avant de s'éteindre lentement. Cette lumière permet de distraire, voire d'effrayer un prédateur potentiel, offrant donc à Suima le moyen de prendre une distance suffisante pour sa sécurité. Ainsi, s'il fallait encore et encore s'en convaincre, le répertoire des moyens d'attaque et de défense produits par l'évolution, eh bien, nous paraît, et je le répète encore, comme infini. Bonjour Francis Rocard. Bonjour. On allume la bougie, puisque vous étiez là juste, on était à la Sorbonne. Et on était juste à commenter l'arrivée de la mission Rosetta. Un an déjà, à quelques jours près. Un an d'atterrissage, mais on est arrivé effectivement en août 2014 au voisinage de la comète. Donc on l'a découverte l'été il y a 18 mois. Et ça a été une merveille pour les scientifiques, un cauchemar pour les ingénieurs. Oui. Parce que cette comète est compliquée, elle est bilobée. Et en plus, sa surface est extrêmement chahutée. Donc l'atterrissage était inquiétant. Oui, et c'est vrai que... Ça a été 10 ans de compagnonnage avec l'orbiteur et son petit robot à l'intérieur qui fait une centaine de kilos dans l'espace, dans le champ de gravité terrestre, qui donc porte le joli nom de Philae. Oui, bah, 10 ans de croisière, mais aussi 10 ans de fabrication. Donc ça fait c'est une aventure de 20 ans aujourd'hui. Mais effectivement, il faut 10 ans pour rejoindre une comète de la famille de Jupiter, c'est-à-dire dont le point le plus éloigné se situe à peu près à 5 unités astronomiques, c'est-à-dire la distance de Jupiter. Oui. Et ça, même avec Ariane 5, on pouvait pas y aller en direct. Il fallait faire... on en est à notre cinquième tour autour du Soleil. Donc c'est dire que ça a été long. Oui. 5 fois, il est passé tout près, ou plus exactement, la comète est passée à son périhélie, ainsi de suite, quoi. Donc, dans cette grande valse. Est-ce qu'on peut caractériser tout de suite, bon, évidemment, le grand sujet, le grand motif, on va dire, scientifique, le grand impératif scientifique, c'est la compréhension de la constitution de notre système solaire. Voilà, en étudiant les comètes, on s'intéresse aux objets les plus primitifs qui soient dans le système solaire. Ils sont primitifs parce qu'ils sont extrêmement riches en glace. Ça veut dire qu'ils n'ont pas évolué, ils n'ont pas perdu leur glace, ils n'ont pas chauffé. Et vous savez très bien, quand vous mettez quelque chose au congélateur, vous le conservez très bien. Oui. Les comètes, c'est ça. C'est des objets qui sont à moins de 100 degrés toute leur vie. Sauf au moment où, par des hasards de survol de Jupiter, souvent, elles se mettent à se rapprocher du Soleil. Et une comète qui est visible est une comète qui est en train de mourir. Donc on sait qu'à l'échelle du système solaire, une comète visible et va mourir dans 10 ans, dans un siècle, pas beaucoup plus. Oui. Alors évidemment, Francis Rocard, on va regarder le détail. On va encore donner aussi quelques petits détails sur l'organisation de cette mission Rosetta avant de rentrer dans des résultats plus fins. Mais déjà, ça contrarie tout de suite l'idée qui était le tout venant de l'image habituelle des comètes, c'est-à-dire une grosse masse de neige sale. Déjà, on peut plus dire ça. Et alors, on peut plus le dire, mais on le disait plus en 86 quand on a survolé la comète de Halley. Oui. Puisque ça a été la grande surprise de Vega et Giotto, c'est que le coefficient de réflexion du noyau cométaire, ce qu'on appelle l'albédo, fait 4%. Et oui. C'est plus noir que du charbon. Oui. Voilà. Et ça a été un résultat de Giotto. Et sur Churyumov, on est à un niveau qui est de l'ordre de 6-7%. Donc voilà, c'est très sombre parce que c'est très riche en carbone complexe qui est sombre. Alors, quelle est la durée de le temps d'orbite de cette... je vais l'appeler Churi, je vais pas essayer à m'entraîner. Churyumov, Gerasimenko, allons-y pour Churi, ça vous plaît pas, mais bon... Je 67P, oui. On pourra expliquer peut-être, 67P, Churyumov, Gerasimenko, oui. C'est une comète qui vient de la ceinture de Kuiper. C'est-à-dire qu'il vient au-delà de Neptune. Pluton est une énorme comète, finalement. Et qui a rencontré Jupiter et qui a fermé son orbite. Et ce qu'on appelle les comètes de la famille de Jupiter. Ça veut dire qu'elles sont dans le plan des planètes. Et leur aphélie, leur point le plus éloigné, se situe à peu près au niveau de Jupiter. C'est pas du tout le cas de la comète de Halley. Le résultat, c'est qu'on a des orbites qui sont toujours du même ordre de grandeur. Et en l'occurrence, ici, c'est 6 ans et demi. Oui, parce qu'on peut dire qu'il y a deux grands réservoirs. Donc, il y a aussi le nuage de Oort. Voilà, le nuage de Oort sont des comètes qui sont... Le nuage signifie sphérique, alors que ceinture signifie à plat. Sphérique, ça veut dire que ça vient de n'importe où. On a des comètes qui viennent du haut, du bas, de droite, de gauche, rétrograde ou direct. Et ces comètes sont surprenantes, elles nous surprennent au sens qu'on ne peut pas prédire leur venue. Et d'autre part, elles sont surprenantes parce que c'est la première fois qu'elles voient le Soleil. Et donc, elles sont souvent extrêmement lumineuses. La comète Elbop, par exemple, est une comète qui a été tellement intense que énormément de la liste des molécules que nous connaissions juste avant Churyumov-Gerasimenko venaient de la comète Elbop. Oui. Est-ce que, ça c'est une question d'ordre général qu'on peut me poser comme préalable au détail dans lesquels nous allons rentrer d'un certain nombre de résultats, est-ce qu'on peut dire que d'une certaine façon, alors pour ce qui est de nous, passeurs, journalistes scientifiques, vulgarisateurs, il y a évidemment beaucoup d'images défaites et il y a des nouveautés qui nous apparaissent et qui sont vraiment... on va dire magnifique comme résultat scientifique. Mais est-ce que, de façon globale, encore une fois, donc, et au préalable, vous avez le sentiment, dès à présent, en allumant cette bougie, là, d'anniversaire, Francis Rocard, que la moisson est bonne? Vraiment oui. Bonne? Non, non, certainement. La moisson est très, très bonne. Encore une fois, il y avait l'avant et après Halley en 86. Il y aura l'avant et après Rosetta. Ça, c'est certain. Sur la connaissance de comètes, Rosetta a fait un bond considérable sur la connaissance de ces objets, y compris dans leur structure interne. On va en reparler. Sur la composition du gaz, sur la composition du grain. Non, il y a énormément, y compris sur le fonctionnement de la comète. Donc, on a beaucoup d'informations qui étaient des mystères. Suite au survol de la comète de Halley par Giotto. Oui, oui, bien sûr. Il y a une trentaine d'années. Alors, pour faire image, hein, on peut dire que donc la distance parcourue par Rosetta a été de 6,5 milliards de kilomètres dans l'espace pendant son voyage à destination donc de Chury, et que grosso modo la vitesse était de 3,6 km/h. Hein, c'était par seconde. Par seconde, pardon. Par seconde. Donc on voit que c'est un sacré bolide. Hein, Oui, dans le système solaire, les vitesses sont en général très rapides. La Terre, c'est 30 km par seconde. On est à 100 000 km/h. On ne le sait pas, mais tous les jours, on se promène à 100 000 km/h sur Terre. En ce moment, oui. En ce moment. Oui. Donc, et plus on est loin du Soleil, plus on est lent. Bon, ça, c'est les lois de Kepler. Il y a une particularité étonnante, c'est quand, par contre, on arrive au voisinage de la comète, et qu'on se met en orbite autour de la comète, là, les vitesses tombent totalement. On fait le tour de la comète en 15 jours, la période fait donc 15 jours, pour Rosetta, et la vitesse, c'est la vitesse d'un jogger. Oui. C'est du 10 km/h, c'est très faible. Alors que la comète elle-même tourne en 12h20 minutes. Donc la comète tourne sur elle-même beaucoup plus vite que nous tournons autour de... On n'est même pas géostationnaire, on est infra-géostationnaire. Oui. Oui, c'est ça. Alors, on peut peut-être, là encore, pour faire image, dire que, donc, il y a eu ces 6,5 milliards de kilomètres. Et puis, pour faire image aussi, pour montrer, là encore, la différence entre le poids et la masse, je trouve que c'est assez intéressant. Philae, 100 kilos. Combien pèse Philae dans le champ gravitationnel de Rosetta? Voilà, donc 100 kilos c'est sur Terre. Rosetta, c'est 3 tonnes. Hein. Oui. Mais 100 kilos pour Philae et environ entre 1 et 2 grammes sur la comète. Donc la comète pesant 10 milliards de tonnes, c'est une masse à la fois considérable et ridicule. Pour les corps planétaires, c'est ridicule, 10 milliards de tonnes. Oui. Donc, ça fait un champ de gravité très faible, et donc Philae pèse 2 grammes. Oui, on dit d'ailleurs souvent, on voit que c'est pratiquement fait que de vide, d'une certaine façon. Hein, Alors, oui, ça c'est une autre particularité, c'est que quand on mesure le volume, et que par ailleurs, grâce à Rosetta, on a pu mesurer la masse, on en déduit la densité, et la densité est très faible, on est à des densités inférieures à 0,5, et donc on en déduit que, compte tenu de ce que l'on pense être le matériau et de sa densité réelle, qu'il y a entre 70 et 80% de vide dans la comète. Eh oui. C'est extrêmement poreux. Alors on ne sait pas très bien si c'est des petits vides ou si c'est des grandes cavités. Des cavernes. ça, c'est pas clair, mais on a un taux de porosité de 70 à 80%. Alors là encore, bon, évidemment, on est à la radio, on pourra pas regarder les photos, mais sur votre conseil, bien sûr, Francis Rocard, j'ai été voir. Bon, c'est beau, quoi. C'est patatoïde, plus exactement, ça ressemble pour moi à une cacahuète, hein, avec c'est l'étonnement qu'on a eu de trouver que ça faisait comme deux parties qui s'étaient... S'était-elle soudée? Avait-elle été choquée? Est-ce que, enfin, elle a une forme étrange. On en sait un peu plus là-dessus. Oui, bien sûr. On en sait un peu plus. Et quand on l'a vu apparaître. Alors, donc, effectivement, c'était bilobé. Bilobé, Delobe. Oui. Ma fille m'a dit, ça, c'est un pied de hobbit. Mais l'histoire a retenu que c'est un canard. Oui. Posé sur l'eau, sans les pieds, avec la tête. Et le petit lobe étant la tête, le gros lobe étant le corps. Ouais. Et tout le monde l'a appelé un canard. Mais c'est effectivement l'origine de ce corps bilobé est surprenante. Il faut quand même préciser qu'on ne s'attendait absolument pas à avoir un corps sphérique. Ça, on le sait. Oui. Pour être sphérique, il faut que ça ait chauffé. Il faut que les dimensions atteignent 400-500 km. Au-dessus, tout est sphérique. En dessous, en général, c'est pas sphérique. Alors après, ça dépend un peu de la nature du matériau. Mais Encelade, qui fait 500 km, est complètement sphérique. Oui. Et si on passe dans une autre classe d'objets, si on regarde les astéroïdes, est-ce que cette règle tient? Ou est-ce qu'ils peuvent avoir des formes patatoïdes? Non. À partir du moment où il y a eu formation, il y a eu échauffement interne, du fait des éléments radioactifs de longue période, mais aussi de la chaleur accumulée par les collisions, et tout ça se met à fondre. Donc, oui. Au-delà de 500 km, un astéroïde est sphérique. En deçà, il est patatoïdal. Alors, évidemment, le monde entier, on peut dire, parce que ça a été l'un des spectacles. Et à tel point qu'on a été même contraint d'intituler la réunion de l'année des sciences l'année 2013 vue par les sciences Philae, au-delà du spectacle la science, pour bien montrer que bon, tout le monde a été émerveillé bien évidemment, mais que il y avait des scientifiques au boulot et qu'on attendait, qu'il y avait beaucoup de questions et que l'enquête était puissante dans ses interrogations. Alors on arrive à cet épisode, on est dans le spectacle bien évidemment, et puis aussi on craint c'est que d'un seul coup va se détacher de l'orbiteur Philae. Oui, le petit bonhomme va se poser. Et entre-temps, le CNES à Toulouse avait fait 1 milliard de calculs de trajectoire de Philae. Pour que tout marche bien, il fallait que la trajectoire de Rosetta soit parfaite et que la trajectoire de Philae soit également parfaite. C'est-à-dire que Philae soit largué au bon moment, dans la bonne direction. Donc il y avait beaucoup d'exigences. Tout ça s'est très très bien passé. À partir du moment où on était largué, on tombait comme une pierre pendant 7 heures. Néanmoins, on a accéléré que d'un mètre par seconde. C'est-à-dire que la gravité, il a fallu nous jeter vers le bas. Et la gravité nous a fait accélérer que d'un mètre par seconde. Donc ça a été très très modeste. On avait 3 systèmes anti-rebond. L'amortisseur qui a bien fonctionné, le système à gaz froid et les harpons, ces deux derniers n'ont pas fonctionné. Et le quatrième système naturel, c'est la comète elle-même, oui, qui était molle puis dure. Et qui dit molle dit amortissement. Donc tout ça s'est pas passé exactement comme on le pensait. Et le 13 novembre d'ailleurs, on n'a pas compris grand chose de ce qui se passait. Mais depuis, la séquence est bien comprise. On a touché on savait que le propulseur ne fonctionnerait pas parce qu'on savait que la vanne était bloquée. Bon, ça, c'était un fait. On a hésité à larguer, mais finalement, on a largué quand même. Par contre, sur les harpons, on craignait que les harpons ne fonctionnent pas, mais comme il y en avait 2, on espérait que dans la redondance, l'un des 2 allait fonctionner. Bon, en fait, aucun n'a été tiré. Et donc, on a rebondi. On a rebondi à une vitesse inférieure à la vitesse de libération, mais c'était étudié pour. On a demandé, depuis le début, on disait à l'ESA, larguez-nous depuis une altitude et surtout une vitesse d'atterrissage qui soit inférieure à la vitesse de libération, parce que si par malheur on rebondit, on repart dans l'espace, ça serait un désastre. Donc on est reparti et on a fait 2 superbes paraboles avec une collision en plein vol. On est remonté à 200-250 mètres. Oui, c'est Et on a en tout parcouru 1,2 km. Pour aller venir mourir, si je puis dire, tranquillement, derrière la grande dépression qu'on appelle le site B, dans une terra incognita. Puisque à l'époque, la zone n'était pas éclairée, donc on la connaissait pas. Et donc d'ailleurs, quand on regarde les cartes de l'époque, c'est tout gris, c'est tout plat, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas d'informations. Depuis, la comète ayant tourné, on a des informations, mais... Il faut préciser que formellement, on n'a toujours pas vu où était Philae précisément, Mais grâce à CANSERT, qui est le radar français de sondage, qui a été utilisé un peu comme un GPS, on va dire, on a localisé Philae à environ une trentaine de mètres près. Oui. Alors là, évidemment, la formule a été de dire zut, zut, zut, elle s'est mise à l'ombre. Elle est à l'ombre d'une falaise. Manque de peau, c'est le cas de le dire, quoi, parce qu'il fallait évidemment que ces capteurs puissent lui fournir l'énergie nécessaire. Hein. Alors, pas pour le début. Oui, pour oui, le début, c'était sûr. Pas grave, puisqu'on avait une batterie, une pile. Il y avait une pile au On départ, avait une pile qui nous permettait de tenir 3 jours, et on a tenu 3 jours. Donc, et on a travaillé très correctement, on a complètement bouleversé la séquence qui était à bord, parce que rien ne se passait exactement comme il était prévu, mais on a décidé de faire fonctionner tous les instruments un par un, une fois, pour tenter d'avoir un retour scientifique sur tous les instruments. Il y en a 10 à bord. En fait, tous ont bien fonctionné sur le plan technique et scientifique, sauf 2. Un, tout le monde le sait, c'est la foreuse qui a foré dans le vide. Oui. Et le deuxième, c'est moins connu, c'est l'APXS, c'est-à-dire un instrument qui mesure la composition élémentaire du sol avec une source radioactive, qu'on a vu sur Mars dans beaucoup de missions, y compris Pathfinder, par exemple. Il y a un APXS. Eh bien, cet instrument n'a pas touché le sol. Parce que on est incliné, donc il est parti un peu en vrille, si je puis dire. Et donc on a mesuré rien. Et à part ces deux instruments, on a un retour scientifique qui est très intéressant. Oui. Et pour être plus précis là encore, il se met à forer dans le vide. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu une tentation d'essayer de bouger, de faire tourner sur elle-même Philae pour que sa foreuse fore vraiment dans du dur? Alors, oui, mais ça n'a pas du tout été envisagé pendant les 3 jours. Oui. On ne savait pas. À l'époque, oui, on ne savait pas exactement ce qui s'était passé. Il a fallu du temps pour analyser. Depuis, on a observé les images de Rollis qui regarde dans l'axe de la foreuse, qui est la caméra de descente, et on a fait de la stéréo. D'ailleurs, on a tourné. On a tourné, mais pour une autre raison, c'était pour maximiser la surface des panneaux au soleil. Et en faisant cette rotation, on avait 2 images un peu différentes, donc on a fait de la stéréo. Qui dit la stéréo dit la distance. Donc on a vu qu'on n'a pas eu de chance. On est passé juste à côté de la comète, à quelques dizaines de centimètres. Oui. Donc il suffirait de retourner dans l'autre sens pour toucher la comète avec notre foreuse. Néanmoins, on n'est pas ancré. Comme on pèse 2 grammes et qu'on n'est pas ancré, dès qu'on va toucher la comète, on va partir en Philae va partir en arrière. Oui. Donc si on se retrouve sur le dos, c'est comme une tortue, c'est la fin. Oui. Surtout que nos antennes sont sur le dos. Donc il ne faut pas qu'on se retrouve sur le dos. Pour l'instant, on est sur le flanc. On est à 90 degrés de l'orientation idéale. C'est fou. Donc c'est compliqué. Ouais. Et cette procédure de rotation et de tentative de forage, si par chance on arrive à bien communiquer, ça sera la procédure de la dernière chance, parce qu'elle est très risquée. Oui. On va faire 2 choses, ou plutôt je vais solliciter Alex Dank pour nous envoyer le jingle, mais nous faire réécouter, allez, 2 fois de suite, parce que c'est quand même incroyable, on a du son qu'a amené Francis Rocard. Allez. France Culture, Continent Science, Stéphane Delisgeorge. C'est pas mal, hein? Oui, bah oui, il faut expliquer. Là. Ce qu'on a entendu. C'est super malin, en plus, hein. C'est, parce que vous savez que dans l'espace, on vous entend pas crier. Eh oui. Ça, c'est le film Alien. Donc, il n'y a pas de son. Non. Vu qu'il n'y a pas d'atmosphère. Néanmoins, nous avions un instrument qui mesurait les vibrations de Philae, qu'on appelle cassé. Et en fait, c'est exactement ça qui a été enregistré. C'est-à-dire qu'au moment où Philae a touché le sol, il s'est déformé. Sur une surface très dure qui est très probablement de la glace avant de repartir. Et c'est ça qu'on entend dans le son. C'est cette déformation, c'est le contact de Philae qui n'est pas totalement rigide. On peut dire donc que ça appartient à la physique des métaux qui exprime dans ce cas-là un phénomène qui est un phénomène ondulatoire. C'est un son qui se propage à travers la structure de Philae. C'est quand même Philae, bon, ils sont futés, hein, les gars de Philae, si je puis me permettre. Et donc le rebond, il y en a plusieurs, et d'un seul coup, que va-t-il se passer pour eux ? Parce qu'il va y avoir un moment de silence, il va y avoir un moment d'inquiétude, il va y avoir d'ailleurs un moment de silence et un moment d'inquiétude, et puis il va y avoir aussi un moment de nécessaire inquiétude, c'est-à-dire le moment où on va s'approcher du périhélie, et que on va s'approcher du soleil plus exactement, et donc voilà. Oui, Au début, l'image, il était prévu de faire un panorama dès l'arrivée au sol. Oui, il y avait une caméra pour ça. Une caméra panoramique avec 6 caméras qui font tout le tour de Philae pour avoir le premier paysage de la comète. vu de la surface. Et la première image qui nous est revenue était une image complètement floue, et on ne comprenait pas très bien. On disait c'est instable. Et en fait, il a fallu plusieurs jours avant de comprendre qu'on était on a pris une image au moment où on virevoltait dans l'espace. Et en plus, on tournait relativement vite sur nous-mêmes. Ça, c'est un point qu'il faut préciser. C'est qu'on avait une roue à inertie qui stabilise Philae pendant la descente. Oui. Telle une roue de vélo. Et au moment où on touche, cette roue devait être arrêtée. Et évidemment, la quantité de mouvement de la roue s'est transférée à Philae lui-même. Donc c'est Philae qui s'est mis à tourner sur lui-même. D'où le fait que l'image qui était transférée à ce moment-là était complètement floue. Et on a compris très tard, grâce à un autre instrument qui s'appelle ROMAP, qui mesure le champ magnétique, qu'on a eu une collision en plein vol. Ça a été incroyable, qui nous a encore plus déstabilisés, c'est-à-dire que là, on tournait presque dans tous les sens. Et voilà, et au bout de 2 heures, on a eu deux petits rebonds, et le deuxième a été l'arrêt final de Philae. Voilà, toute cette aventure, c'est à quelques milliers de milliers de kilomètres. Alors, avant qu'on passe au résultat, je vais quand même vous poser la question. Est-ce que, d'une certaine manière... ce qui vous a le plus... je vais vous demander plutôt, Francis Rocard, qu'est-ce qui vous a peut-être le plus immédiatement étonné dans la perspective de témoin de la comète, comme témoin de l'organisation du proto-système solaire, du moment où les choses vont s'agréger et former le système solaire. Matière carbonée, qu'est-ce qui... Alors, moi, ce qui m'a beaucoup surpris et qui a été très instructif, c'est de voir que il y avait des surfaces qui étaient manifestement totalement à nu. Oui. Notamment toute la falaise était une surface nue. Souvent, on a l'impression que cette surface, c'est du caillou. Mais pas du tout. Si je le prenais dans la main, je l'effriterais. C'est beaucoup plus mou que du sucre, et ça s'effrite comme un rien, c'est extrêmement fragile. Oui, une pierre ponce hyper légère, quoi, enfin, ou mais, hyper mais fragile. Beaucoup plus fragile qu'une pierre ponce. Bien sûr, oui, c'est ce que je dis. Non, c'est de la meringue, on va dire. Oui, c'est de la meringue. C'est la bonne formule. Alors, ce qui était très étonnant, c'est qu'il y avait des zones où, manifestement, sur les images, moi j'ai appelé ça de la vieille neige de printemps, mais de la neige noire, encore une fois. Oui. Mais il y avait un dépôt, c'était manifeste que beaucoup de zones étaient riches en dépôts. Et on a compris dans les mois qui ont suivi que ce dépôt, c'était un effet fontaine de l'activité de la comète, qui fait que les gaz sortent à 2000 km/h. Ça, c'est... Il y aurait un micro, ça ferait du bruit, hein. C'est du Karcher. Et par contre, donc ces gaz à 2000 km/h entraînent par friction dans les failles de la comète des petits grains qui partent et qui forment à la finale la queue de poussière que l'on connaît. Mais les gros grains partent à des vitesses moindres et cela retombe sur la comète. Et c'est ça qui crée le dépôt en question. D'ailleurs, je me souviens d'une réflexion de Jean-Pierre Bibring, qui était le responsable de Shiva, oui. la caméra. Lui a commencé à dire, attention, il va falloir... on va s'enfoncer dans du beurre. Oui, c'est ça. Au point qu'on va disparaître. Oui, c'est comme du sable mou, quoi. On a 3 mètres de dépôt, on va tomber dans et on va être au fond, et nos antennes ne pourront plus émettre. Donc on avait un peu peur, un peu, vous savez, sur la Lune en 69, on a eu aussi ces craintes. Bon, en fait, on ne connaissait pas l'épaisseur de ce dépôt, et c'est grâce à Philae que, en faisant ce rebond, et le son que vous avez là, nous permet de mesurer le dépôt précisément, il fait 20 cm. C'est ça. Donc c'est pas... Et après, c'est dur. Et après, c'est très dur. Oui. C'est quasiment de la glace. C'est ça. Et ça, c'était une grosse surprise. Surtout, l'autre surprise, c'est qu'il y a beaucoup de dépression. J'utilise pas le mot de cratère, parce que ce ne sont pas des cratères d'impact. Il n'y a pas de cratère d'impact sur une comète. Il y a beaucoup de ronds. Il y a beaucoup de dépression. C'est vrai. Et là, au début, on comprenait pas d'où venaient ces ronds. Et petit à petit, on a compris que chaque rond correspondait à un jet. En fait, c'est le pied d'un jet. Et finalement, un gros jet va vous créer une dépression qui fait environ 200 mètres de diamètre pour presque autant de profondeur. Parce que qui dit jet dit perte de matière, gaz et grains. Donc, il y a du volume vide en dessous. Et à ce moment-là, le toit de la grotte qui s'est créée s'effondre et vous n'avez plus qu'un trou. C'est comme ça que les dépressions se forment. Mais donc là où vous avez une des conséquences assez intéressantes, c'est que là où vous avez le dépôt, ce sont des zones non actives. Et là où l'activité des jets est forte, le dépôt est parti. Parce qu'évidemment, les jets expulsent le dépôt immédiatement. Donc on peut voir à la limite sur une image de la comète les zones qui sont actuellement actives et celles qui ne sont pas. En tout cas, c'est très montueux, c'est très mouvementé quand même, hein, à l'échelle de... Ah, c'est très chahuté. Hein, sur le site de Philae, on avait des pentes, des falaises de 60 degrés, oui, et ça nous faisait très peur, parce qu'on avait une incertitude d'atterrissage d'un kilomètre. D'ailleurs, pour la petite histoire, il faut préciser quand même qu'on a touché à 100 mètres près, ce qui est extraordinaire. Suite donc de ce rendez-vous du Continent Science, entièrement dévolu à l'anniversaire et aux informations scientifiques qu'a apporté donc Rosetta et son petit appareil Philae qui nous a posé quelques ennuis, quelques inquiétudes et qui pourtant... Alors il y a une chose que je voudrais savoir, l'équipement des 26 petits récipients qui normalement devaient récupérer de la matière, l'analyser pour en connaître la composition, ça a fonctionné ? Eh ben non, puisque la foreuse n'a pas touché le sol. Donc on n'a jamais pu utiliser les 26 récipients. Aucun. Cher à Bibring, là encore vous avez cité Bibring, hein, c'était là, on attendait beaucoup. Alors, cela dit... Non mais c'est vrai que l'objectif central, de mon point de vue, c'est de connaître la nature de ce matériau organique solide et réfractaire, c'est-à-dire pas celui qui est en gaz, mais celui qui reste solide. Oui, c'est celui-là qui est le plus important. C'est là où on a les chaînes organiques les plus longues, et c'est cet objectif qui est vraiment fondamental, parce que arriver à comprendre pourquoi ces molécules complexes se forment dans le milieu interstellaire au moment de son effondrement, et sous quelle forme ce carbone se forme, c'est extrêmement intéressant. Sachant en plus que ces comètes ont ensemencé la Terre, donc c'est probablement le même carbone qui ensuite, dans les océans terrestres, a permis l'apparition de la vie sur Terre. Voilà, c'est ça. Donc, une des grosses hypothèses, bien évidemment, c'est qu'une fois la Terre formée ou en formation, ce sont des comètes arrivant, mais là, de façon absolument pléthorique, et qui amènent l'eau. Alors, l'eau et le carbone. Et le carbone, bien sûr. 16 molécules organiques, je vais les dire quand même, parce que c'est intéressant, même si on comprend pas très bien le détail, mais vous pourrez le commenter rapidement. Vapeur d'eau, bien sûr, méthane, monoxyde de carbone, tiens, le voilà, formol, acétone, acétamide, c'est un dérivé de l'acide acétique, hein, si je me trompe pas. Et on peut dire, est-ce qu'on peut dire de toutes ces molécules, hein, qui sont parties des 16, là, que ce sont des molécules qui sont toutes à propension organique, d'une certaine façon, et qui peuvent être des bons candidats pour conduire déjà à l'eau liquide, et ainsi de suite. Alors, il ne faut pas oublier que ces molécules dont on parle, c'est l'analyse du gaz. Oui, bien sûr. On n'espère pas des molécules à 15 carbones dans le gaz, ça n'existe pas. Oui, oui, bien sûr. Non, mais je précise pour les auditeurs, parce que je viens de parler de molécules, de longues molécules carbonées, ça c'est dans la partie solide qu'on le cherche. Dans le gaz, on a tout ce qui veut bien se volatiliser aux températures de la comète, et effectivement, alors d'abord, le gaz principal c'est l'eau, Et de très loin, hein, on a probablement 80-90% d'eau. Après, c'est monoxyde de carbone, méthane. Et ensuite, on a une kyrielle de molécules longues, dont beaucoup étaient connues de la comète Elbop, mais quelques-unes sont nouvelles. Et on peut dire que la comète pue au sens qu'il y a beaucoup, il y a H2S par exemple, qui est l'œuf pourri, ouais, il y a des odeurs d'alcool, pourri, oui, il y a l'acétone qui a une odeur très forte. Donc il y a beaucoup d'odeurs dans cette comète. Et petit exercice de chimie habituel pour dire, tiens, pour faire les boules puantes par les élèves donc dans les labos où ils apprennent la chimie. Ça, c'est H2S, oui, oui. Ça, c'est H2S, pardon. Oui. Absolument. Mais oui, le gaz est important, mais probablement que certaines de ces molécules de gaz viennent de la composante solide. Et finalement, de mon point de vue, la composante solide est probablement plus importante que la composante gazeuse. C'est ça, oui. Et ça, là encore, c'est vraiment très étonnant, hein, d'une certaine façon aussi, non ? Alors, on a eu quand même, il faut le préciser, une chance dans notre malheur, c'est que en touchant trois fois la comète, on a eu finalement trois analyses, une analyse même à quatre endroits, on va dire. Notamment, le premier contact a été dans cette poudreuse de matière organique de 20 cm d'épaisseur, qui a virevolté autour, mmh, et qui s'est redéposé partout sur Philae, notamment sur l'orifice qui nous permet d'analyser le gaz. Et donc, quand la séquence d'analyse du gaz s'est enclenchée toute seule, c'était prévu, eh bien, on pense qu'on a eu de la simulation naturelle de ces molécules solides. Et la première analyse que l'on a faite avec l'instrument qui s'appelle COSAC a donné des molécules jusqu'à 3 à 4 carbones, assez complexes, et ensuite plus rien. C'est-à-dire ensuite les mêmes que celles que vous venez de citer, c'est-à-dire des molécules plus légères, oui, de 1 carbone, etc. Et donc on a eu un début de sublimation de la matière organique. Malheureusement, elle était naturelle, était à des températures de Philae, c'est pas très très chaud. Le but, je rappelle, de la foreuse, c'est de mettre l'échantillon dans un four et de le chauffer à 600 degrés pour arriver à volatiliser des molécules très lourdes. Quelles sont les variations de température? D'ailleurs, c'est une question que très rapidement qu'on pourrait indiquer. De cette comète. Alors, la notion de température sur une comète ne veut pas dire grand-chose. Il y a des variations. Bien sûr. En gros, on dépasse le 0 degré au périhélie en, oui, surface, mais quand je dis ça ne veut pas dire grand-chose, le matériau cométaire est extrêmement isolant. Ça veut dire qu'on a un instrument submillimétrique qui a deux canaux qui mesurent tout près de la surface et un peu plus en profondeur. On a des écarts de 50 degrés, ah oui, sur un centimètre, oui, ou deux. Donc on a énormément d'isolation thermique. Et quand la comète tourne et passe dans l'ombre, la surface immédiatement descend à peu près à moins 200 degrés. Donc ça ne cesse de chauffer et refroidir. C'est une espèce de cuisson, on va dire, à basse température qu'est une comète. Alors, je pose la question de la façon la plus naïve qui soit. Tout à l'heure, en début d'émission, Francis Rocard, on a bien distingué les comètes qui étaient donc des comètes venant du nuage de Oort, qui était donc beaucoup plus lointain, et les comètes venant donc de cette partie qui suivait un plan d'écliptique. La ceinture de Kuiper. La ceinture de Kuiper, oui, de Kuiper. Donc, est-ce que... quand même, les choses ont été modifiées. Alors, je prends au hasard, je ne sais pas là encore si je vais tomber pile, mais il y a quand même une découverte importante que j'ai vue dans le recueil des résultats qui ont été donnés en courant juillet, je crois, dans Science. Rosetta détecte de l'azote moléculaire pour la première fois dans une comète. Oui. Est-ce que ça veut dire quelque chose, puisque l'azote, par exemple, c'est ce qui compose l'atmosphère de Titan, majoritairement. Et je rajouterais, de l'oxygène moléculaire, qui est une énorme surprise. Bien sûr, bien sûr. Qui est une énorme surprise, peut-être plus que l'azote encore. L'oxygène moléculaire est très surprenant, parce que c'est un gaz qui est extrêmement réactif et très volatile. Donc ça a plusieurs conséquences. Ça veut dire que les grains de comètes qui se sont agglomérés pour former la comète n'ont pas chauffé, puisque ces grains ont dû piéger de l'oxygène moléculaire, et ils n'ont pas chauffé, sinon cet oxygène serait parti, il ne serait plus dans la comète. Or, on est à peu près sûr que l'oxygène est présent dans la masse de la comète. C'est pas un phénomène réactif en surface, c'est pas un produit de d'irradiation de la surface actuelle. C'est vraiment, et ça c'est une grosse surprise. Alors, il se trouve que l'oxygène est une molécule diatomique symétrique, et il faut savoir qu'en infrarouge, qui est la technique pour mesurer la présence de molécules, il n'y a aucune signature. Donc O2, N2, H2, toutes ces molécules symétriques, aucune signature en infrarouge. Donc, d'ailleurs, quand Voyager a trouvé du méthane dans Titan, on a dit « Ah, on a une atmosphère de méthane sur Titan ». Ah, c'est extraordinaire. Et puis ensuite, il y a un spectro UV qui a fait des mesures compliquées. On dit, attendez, oui, il y a 3% de méthane, mais il y a 97% d'azote. Parce que l'infrarouge ne voit pas l'azote. N2. N2 étant symétrique. Donc méfions-nous, parfois il y a un biais du fait qu'on ne voit pas des choses simplement parce qu'il n'y a pas de signature dans la bande de longueur d'onde où on les observe. Alors, autre question donc que j'ai listée, mais sous presque votre dictée, pour m'y retrouver dans cet ensemble de résultats, Francis Roquin. Là encore, résultat important qui tombe assez tôt, hein, je crois que c'était en octobre de l'année de lancement. On s'aperçoit qu'il y a des choses curieuses concernant le rapport deutérium-hydrogène. Deutérium, tiens, cet isotope-là. Voilà, donc le deutérium, c'est ce qu'on appelle un isotope lourd de l'hydrogène. Eh oui. Un isotope stable, un isotope radioactif, donc instable. La mesure de ce rapport est une mesure que l'on fait partout où on peut le faire dans le système solaire. On l'a fait dans le Soleil, on l'a fait dans Jupiter, dans Saturne. Et en gros, ce rapport ne cesse d'augmenter entre le Soleil, Jupiter, Saturne, Uranus, et puis ensuite la Terre, et puis les comètes. Donc, plus il augmente, plus il y a eu une évolution par rapport à la valeur de départ qui était celle du Soleil, par définition. Oui. Tout le monde avait la même valeur. Néanmoins, la Terre est beaucoup plus haut, les comètes sont beaucoup plus haut. Et pire que ça, la valeur cométaire est supérieure à la valeur terrestre. Ça veut dire que l'eau, parce qu'on l'a mesuré dans l'eau, on l'a mesuré des sur H dans H2O, ça veut dire que l'eau de la comète... donc c'est deutérium sur hydrogène. Voilà, deutérium sur hydrogène. L'eau de la comète Churyumov n'est pas l'eau de la Terre. Ça, c'est un résultat certain. Mais oui, mais incroyable. Non, pas si quand pas même. Incroyable que parce ça. Parce que c'était pas mal comme scénario. Alors en fait, ça complique l'histoire. Ah bon. Parce que, encore une fois, sur les comètes du nuage de Oort, on avait des valeurs supérieures à la valeur terrestre. Oui. Alors, les comètes du nuage de Oort, je l'ai dit tout à l'heure, sont très intenses, donc c'est des mesures faciles à faire. Et on pensait que dans les comètes de la famille de Jupiter, ça serait la valeur terrestre. Et on avait un bon scénario. Et patatras, c'est pas le cas. Donc, parce que la valeur mesurée sur Chury est très supérieure à toutes les valeurs cométaires. On est au-dessus de tout dans les valeurs cométaires. Le résultat de tout ça, c'est que il y a deux résultats qui permettent de... La conclusion de tout ça, c'est d'abord ça varie d'une comète à l'autre, et ça, il va falloir l'expliquer. Pour l'instant, on ne l'explique pas très bien. Pourquoi ça varie d'une comète à l'autre? Et d'autre part, en gros, le balancier entre l'origine cométaire et l'origine astéroïdale est plutôt du côté des astéroïdes qui ont un dessurage voisin de celui-là. Mais oui, c'est la question que je voulais vous poser, parce que là le mouvement est quand même différent. C'est-à-dire que on était installé dans un cadre ou un paradigme où tranquillement on se disait, bon, cométaire, c'est... ça vient de la ceinture de Kuiper, on est tranquille, et puis d'un seul coup, voilà que le nuage de Oort, très éloigné, nous envoie quelques informations. Enfin, non, c'est pas ça. Encore une fois, on est entre comète et astéroïde. Oui. Comète et astéroïde. Il y a deux familles de comètes et il y a plusieurs familles d'astéroïdes. Mais, alors, d'abord, je précise que entre comète et astéroïde, parfois ça se superpose. Mais néanmoins, on peut dire que c'est quand même, pour l'essentiel, des familles distinctes. Mais les astéroïdes étant plutôt dans la ceinture principale, entre Mars et Jupiter. Et il y a une deuxième famille d'astéroïdes qui est du côté de Pluton, c'est-à-dire les objets de Kuiper. C'est là où vous comprenez bien que astéroïdes et comètes se mélangent un peu. Donc tout ça n'est pas très simple, et le résultat, c'est qu'on ne comprend plus très bien, il n'y a pas de mécanisme simple pour expliquer l'eau de la Terre. Voilà, c'est ça, on peut le dire sans se tromper. Oui, pas de mécanisme pour expliquer de l'eau de la Terre. Oui. Ça veut dire qu'il est probable, moi c'est une interprétation personnelle, quand j'ai commencé mes études d'astronomie, il y a 20-25 ans, on disait la Terre a dégazé une atmosphère primordiale. Oui, c'est ça. Ce schéma. Bien sûr. C'était ce qu'on disait avant. Oui. Maintenant, on n'en parle plus. Pourquoi ? Parce qu'on pense que ce dégazage a été soufflé par les impacts géants, notamment celui de la Lune. Et donc, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'en fait, il n'y aurait pas une partie qui vient du dégazage, qui aurait un dessurage faible, et une partie qui est venue des comètes, qui aurait un dessurage plus fort. La somme des deux fait la valeur intermédiaire que nous avons aujourd'hui. Et ça, ça complique beaucoup la chose, parce que comment estimer l'apport des comètes versus l'apport du dégazage primordial? C'est très compliqué. Et évidemment, abandonner toute hypothèse d'un possible processus qui serait en particulier catalytique, fait dans les profondeurs de la Terre, et qui petit à petit, comme on voit, là je fais un peu de science-fiction, hein, mais bon, conservons en tout cas cette idée-là. Autre chose qui m'a beaucoup étonné, quand vous me l'avez appris, Francis Rocard, c'est que il y a des blocs autour. Alors, blocs, bon, évidemment, ils sont là. Oui, ils sont là, mais ils sont en orbite. Ils s'enfuient pas, quoi. Ils bougent pas. Exactement, hein. Ils s'enfuient pas. Et en fait, ils sont fixés par le... Souvenez-vous, on est arrivé à l'été 2014. Et en fait, la découverte des blocs a été faite, annoncée plus tard, mais a été faite en mai 2014. C'est-à-dire qu'on n'était même pas arrivé à la comète. Qu'au passage, on a croisé des blocs. On aurait pu s'en payer, vous allez me dire. Bon, on est passé entre les blocs. On les a vus. Et c'est des gros blocs. Hein. C'est des blocs qui font des dizaines de mètres de diamètre. Oui. Ils sont en co-orbite. Ça veut dire qu'ils sont telles les lois de Kepler. C'est-à-dire qu'ils orbitent autour du Soleil comme la comète. Et on pense que ces blocs se sont détachés de la comète au périhélie précédent, en 2009. Ah. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils soient situés à un millier de kilomètres de la comète. C'est-à-dire pas très loin. Complètement indépendants sur le plan gravitationnel. Ils ne sont pas liés gravitationnellement à la comète. Pas du tout. Le champ mais ils orbitent sous l'influence du Soleil. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, elle est beaucoup plus récente. C'est que la caméra Osiris, dans son champ de vision, a vu un bloc se promener très près de la comète. La taille de ce bloc fait entre 1 et 10 mètres, parce qu'on a du mal à estimer la distance. Et donc, il y a un processus qui éjecte des blocs. Je voudrais simplement vous dire qu'un bloc de 1 mètre, c'est probablement 40 grammes. Un bloc de 10 mètres, c'est 40 kilos. C'est pas énorme. Ça veut dire que un mécanisme explosif peut facilement éjecter des blocs de 1 mètre, ou voire de 10 mètres. Oui, c'est pas. Maintenant, on a vu des éruptions. Mais ces éruptions, c'est la manifestation d'un jet qui se déclenche. On l'a vu, et ensuite ce jet s'arrête. Par contre, on n'a pas observé l'éjection d'un bloc. Donc on n'a pas observé le mécanisme d'éjection d'un bloc qui reste à être observé si on l'observe un jour, puisqu'on s'éloigne et donc les phénomènes violents vont être un peu moins fréquents. Est-ce qu'il faudrait rajouter, là encore, puisque vous venez de prononcer le mot à nouveau, il y a ce phénomène des jets, donc est-ce que on a amélioré la compréhension? Est-ce qu'on peut dire que, voilà, est-ce qu'on sait un petit peu mieux décrire la nature du mécanisme de ces jets? Oui, il y a d'une part qu'on a compris la nature des jets, on a compris que les dépressions étaient liées à des jets. C'est ça. Les jets venaient des dépressions. Des dépressions de la composition interne, hein, c'est ça. Hein. C'est-à-dire des dépressions qui font 200 mètres de diamètre sur 200 mètres de profondeur, donc c'est des grands trous. Oui. Et c'est de là que la comète émet des jets. On a également compris le fonctionnement de la comète elle-même. C'était pas si simple que ça. Le problème, c'est que c'est Virtis, d'ailleurs, c'est une équipe italo-française qui a déterminé ça. Et c'est fondamental. Depuis 30 ans, on se dit, mais comment fonctionne une comète? En fait, on observe que, évidemment, la chaleur, dès qu'une partie de la comète se met au soleil, la chaleur pénètre à l'intérieur de la comète, et dès qu'elle touche de la glace, sa glace se sublime, et ça crée le jet. Tout ça, c'était simple. Le problème, c'est comment réalimenter le système. À chaque tour, on tourne en 12 heures, c'est pas beaucoup. Et en fait, ce qui semble établi maintenant, c'est que au moment où la comète, une zone passe dans l'ombre, immédiatement la surface se refroidit. Par contre, l'onde de chaleur continue à progresser et la glace se sublime en profondeur pour venir condenser près de la surface. Et au jour suivant, c'est celle-là qui part. D'accord. Donc on a un phénomène d'alimentation de la glace qui se rapproche tour par tour de la surface, et ensuite, le tour d'après, elle s'éjecte. Et ça, c'est quelque chose qui a été déterminé très récemment. Alors, on n'a pas l'image, mais on a autre chose. Alors ça, c'est un grand mystère. Oui, c'est très beau, je trouve. C'est très, c'est beau. Très beau. Moi, je moi ça me fait rêver, ça me fait rêver. Je l'écoute en boucle. On dirait Spoutnik un peu. Oui. Ah oui, oui. On dirait Spoutnik. Ça fait un peu guimbarde aussi, bizarroïde. Non, il faut expliquer un petit peu d'où ça vient. Parce que ça, c'est pas un vrai son. C'est un vrai faux son. C'est un faux. Pourquoi? Parce que des fausses couleurs. Pire que ça, c'est un magnétomètre qui a mesuré ce signal. Ah oui, oui, oui. C'est pas un senseur de vibration, rien du tout. C'est ça. C'est un magnétomètre. Donc c'est pas du tout un son. Néanmoins, et en plus, on l'a accéléré 10 000 fois. Donc, le bip-bip que vous entendez là, c'est en fait une augmentation tous les 20 secondes. La période propre de ce son, c'est 20-25 secondes. La question, c'est d'où ça vient? Et la réponse, c'est on n'en sait rien. C'est-à-dire que c'est un phénomène d'ordre plasmique, c'est-à-dire que c'est du plasma. Le plasma, c'est un gaz ionisé avec des électrons et des ions très positifs. Chaud, très chaud. Mais c'est un plasma poussiéreux. Et c'est un mécanisme de plasma poussiéreux qui induit un phénomène périodique de période 25 secondes. Excusez-moi, moi non plus, je n'ai pas compris comment ça marche. Oui. Donc, et d'ailleurs, le responsable de l'instrument, quand il a sorti ce son, il a dit « Je ne comprends pas. Oui. Je vous soumets ce son, mais je ne suis pas capable de vous l'expliquer. » Et depuis, il a fait les calculs. C'est-à-dire, le calcul montre que oui, mais l'expliquer avec les mains, c'est quelque chose qui dépasse le sens commun. Bon, le plasma poussiéreux. C'est un plasma poussiéreux. Bon, voilà, c'est une nouvelle chose. Bon, avec les structures qui se compactifient. Enfin, bref. La petite chandelle va bientôt s'éteindre. Donc, nous allons vers la conclusion. Deux questions d'importance, bien évidemment. Est-ce qu'on va à nouveau essayer de se mettre en contact avec, donc, Philae, la charmante Philae? Oui. Hein, avant que tout s'arrête. Et puis, comment ça évidemment. Va finir? Voilà. Alors, bien évidemment. Pour se mettre en rentrée en contact. Alors, on a des problèmes de contact. Avec Philae, il faut le dire tout de suite. Oui. Comme on est sur le flanc, on a déjà les lobes d'antenne qui font du rascaillou, donc qui se réfléchissent sur la surface, donc on n'a pas un signal direct. Première chose. En plus, on ne sait pas très bien si on n'a pas un problème de système de télécom qui a plongé en température pendant l'hibernation après le 15 novembre, puisqu'on était dans une zone froide. Oui. Ça, c'était pas prévu. On s'est éloigné. Et en plongeant en température, ça peut abîmer l'électronique. Ça, c'est pas impossible. On sait qu'on a un transpondeur qui ne marche pas, mais comme on a une redondance, l'autre marche un peu. Et pour qu'on ait une communication, il faut que Rosetta soit en dessous de 200 km. D'altitude. Oui. Et on peut dire qu'à partir d'à peu près en ce moment même, à l'heure où on parle, Rosetta est revenu à des distances inférieures à 200 km, alors qu'il était parti à 1500 km à cause de l'activité du périhélie. Donc entre aujourd'hui à peu près et la fin de l'année, certains disent même fin février, on a un petit espoir. En termes d'énergie, pour Philae, on peut tenir jusqu'à fin février. Et moi, j'ai tendance à penser qu'il va falloir que Rosetta descende plus bas que 200 km, parce que on a fait des tentatives en juin et juillet, bah 200 km, on a une mauvaise communication, c'est clair. Donc, Oui, parce qu'il faut 2 minutes au moins de communication 10, constante. 10 minutes. Ah, 10 minutes! Je croyais que c'était 2 minutes. Non, oui. Il faut 10 minutes de communication continue pour envoyer un ordre complexe de télécommande à Philae pour lui dire tu fais ça. D'accord. Etc. Pour l'instant, ce qu'on sait faire, c'est récupérer ce qu'il a dans sa mémoire. Des mesures de température, des mesures anciennes. Mais pour le faire travailler, il faut 10 minutes continues, sans interruption. Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu 10 minutes sans interruption. Donc on a un petit espoir, mais c'est pas garanti. Alors et après, pour l'ultime chose, parce qu'à un moment, on parlait de le mettre de le mettre en hibernation, de mettre les choses en hibernation. Pour Rosetta. Oui, pour oui. Rosetta. Pour Rosetta, oui, oui. Pour bien Rosetta. Sûr. Alors pour maintenant, l'orbiteur. Pour Rosetta, il y avait un choix entre refaire un tour... Oui, c'est-à-dire mettre en hibernation et attendre le prochain retour au périhélie et de faire une deuxième mission. En fait, ça marche pas parce qu'on n'a plus beaucoup de carburant dans Rosetta. Et donc, après un long débat scientifique sur l'intérêt des deux options, la deuxième option a été choisie. Ça consiste à faire des spirales et à se rapprocher très très près de Churyumov, ce qui va être très intéressant et très spectaculaire. Et en définitive, on se pose sur la comète, en beauté, et probablement on casse tout. C'est-à-dire qu'on a... On n'a pratiquement aucun espoir de communiquer depuis la surface. D'abord parce que notre antenne ne pourra pas pointer la Terre et nos panneaux solaires de 32 mètres vont être complètement brisés. Bien sûr. On va casser du bois, comme on dit chez nous. Oui, en fragments, bien sûr. Voilà. Oui. Donc le but, c'est la phase d'approche qui est intéressante. Si on arrive à communiquer depuis la surface, ça sera un petit bonus, mais personne n'y croit vraiment. On attend des choses dans l'intervalle de temps où elle va voilà, faire la spirale son crash terminal. Le but, c'est de faire cette approche en en visibilité permanente avec la Terre pour communiquer en temps réel avec la Terre. Mm-hmm. Parce qu'encore une fois, dès qu'on va toucher, on va tout perdre. Oui. Donc il faut pouvoir analyser en temps réel à des distances de plus en plus basses, moins d'un kilomètre. Aujourd'hui, le plus près qu'on ait fait, c'est 6 kilomètres. On n'a jamais fait plus près. Et on va descendre à des basses altitudes. On va faire des images fabuleuses, des résolutions incroyables. On va mesurer le gaz, les grains. Et à un moment, on va toucher. Et là, probablement, tout va s'arrêter. Bien, et ben voilà ce qu'on va attendre alors. Et puis, évidemment, comme à chaque fois, hein, c'est le leitmotiv, il y a du boulot sur la planche. Avec tous les résultats donnés, je vous remercie infiniment, Francis Rocard, d'être venu donc fêter cet anniversaire et nous donner donc les informations à Continent Science. Merci bien sûr de votre attention et de votre fidélité, chers auditeurs, vos remarques. Et vos critiques restent les bienvenues aujourd'hui aux manettes Alexandre Danck, pour la documentation Thierry Beauchamp, la réalisation d'Annie Journeau. Petite précision bibliographique, il y a un livre récent de Francis Rocard, mais là beaucoup plus général que l'on peut se procurer, qui est édité aux éditions donc du Pommier. Quelle est la véritable histoire du système solaire? Il date de 2015. Comme vous le savez, Continent Science est balado diffusé. Vous avez donc une grande année pour nous écouter et nous télécharger, et 1000 jours pour nous écouter.